كتاب الإرجال، فرق الإرجال، كتاب الإرجال، الإرجال في الفكر. فرق شيء؟ آه شوف، نعم. هذا الحواشي شيخ الحواشي يقول في المجلد الثاني. كان عندي أسمع رأي. طلب مني لهم منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة، وسئلت في مجلس عادل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية، فالآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخارج من الحسرة، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة العظم الذهبي، خالف السلف كثير من مناهجهم، فهذا لي أن أسميهم خارجية حصرية. هذا يشمل خروج الآن فيما يعني نقرأ من كلامهم، لأنهم في الواقع كلامهم يدعو منح الخوارج في تكفير مرتكب من الكبائر، لكنهم ولعل هذا ما أني أن أقول غفل منهم أو مكر منهم، وهذا أقول أيضا من باب ولا يهمنكم شنائن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما أدري لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى. ولذلك فأنا لا أرى أن نطبق القول وأن نقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي يؤمن به. لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجئ، وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاحصة وعلق عليه عشرات التعليقات. قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد أن طلعت عليه؟ قال غاية في السوء، ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فإذا بهم على غير ما على غير هذا. ويبدو أن إخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا أعلم بهم منا في نقدهم له. هذا كلام شيخنا بحروفه، إن لم يكن بحروفه فبمعناه التام، والله تعالى أعلم. ثم جاء في أزمة الخليج سفر الحوالي الذي أيضا عنده من التكفير ما عنده، يكتب رسالة إلى بوش يستعين به على حكام السعودية لأجل أن يعطيهم الحرية. سبحان الله، أنت يا سفر قاعد تكفر السعودية لما استعانت بالمشركين وتحرم وتجرم وتزعم الاحتلال، أنت تذهب وتستعين ببوش الأب جورج الأول، ليس دبليو بوش الابن، الأب يستغيث به ضد السعودية، أين هذا؟ Dans ce document, nous mettons ensemble trois morceaux qui nous révèlent le statut de Safar al-Hawali et nous apprennent sur le déclenchement de l'accusation de l'imam al-Albani par al-Irja. Safar al-Hawali fut parmi les premiers détracteurs de l'imam al-Albani, rahimahullah. Certes, Cheikh al-Albani fut rudement combattu par beaucoup de gens et beaucoup de sectes, dont surtout les soufis, الصوفية، لأشعرت الأشاعرة، لخوارج، qui regroupe الإخوان المسلمون، لتكفيري، لقطبي، لسروري، لحدادي. Mais certaines personnes se sont bien démarquées dans le combat de Cheikh Al-Albani rahimahullah. On mentionne parmi elles surtout Mahmoud Al-Haddad, Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, et ce Safar al-Hawali, qui fut supervisé et encadré dans cette soi-disant recherche intitulée « Zahiratul Irja' fil 'alam al-Islami », encadré donc par Mohammed Qutb. Ah, donc là, l'association est claire et explicite que les Qutbis combattent Ahl al-Hadith en la personne de l'un de leurs imams, Al-Albani, rahimahullah. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ne prétendent pas néanmoins que l'Albani ou un autre savant serait infaillible. Il y a même eu des critiques entre certains mashayikhs de la Sunna comme Cheikh Hamoud Twijri rahimahullah et Cheikh Al-Albani. Mais c'était au sujet de questions de science. C'était une critique de bonne foi et constructive. Et ce même Hamoud Twijri rahimahullah disait de l'imam Al-Albani rahimahullah qu'il est un signe et un symbole sur la Sunna. Et que son détracteur est un détracteur à la Sunna. Il disait, rahimahullah, Al-Sheikh Al-Albani sara alaman ala Sunna. At-ta'nu fih, ta'nun fi Sunna. Donc, bref, le premier document nous présente la réaction de Sheikh Al-Albani quant à l'accusation de l'irja faite par Safar Al-Hawali. Dans le deuxième document, nous avons un témoignage de Ali Hassan al-Halabi, qu'Allah le guide, car il avait beaucoup changé et s'était mué en un innovateur, acharné contre les savants de la Sunna et contre les salafis, surtout après le décès de l'imam Albani. Le témoignage de al-Halabi vient bien après la fatwa du Sheikh, rahimallah, la fatwa précédente du Sheikh Albani, qui devenait alors encore plus lucide quant à la voie et le statut de Salman al-Aouda et Safar al-Hawali, qu'il avait même défendu auparavant contre les savants de Médine. Mais là, dans le témoignage, Cheikh al-Albani déclare franchement qu'il s'était trompé dans cette défense. Al-Halabi fut interrogé par quelqu'un lui disant « J'ai entendu Cheikh Al-Albani faire l'éloge de ceux-ci et qu'ils sont sur une croyance salafie. » Al-Halabi répond « J'ai interrogé notre Cheikh tout récemment au sujet du livre « Zahiratul Irja fi l'alam islami »« Le phénomène de l'irja dans le monde islamique » où son auteur accuse notre Cheikh qu'il est morji. Notre Cheikh l'avait lu scrupuleusement et minutieusement et il avait consigné des dizaines de commentaires sur ce livre. Et je lui avais demandé, « Oh notre Cheikh, quel est votre avis sur le livre après l'avoir étudié ?» Le Cheikh avait répondu que le livre est extrêmement mauvais et nous traitions ces gens avec une bonne intention. Or, ils ne sont pas ainsi. Il paraît que nos frères, Cheikh Rabir et ceux qui sont avec lui, étaient plus connaisseurs que nous quant à leur critique et leur statut. Et Al-Halabi note que c'était une parole qu'il rapporte de Cheikh Al-Albani littéralement. Sinon, c'est le sens complet de sa parole, rahimahullah. Et la référence est la cassette numéro 785 de la série Al-Huda wa Nour, après 1h06 de l'enregistrement. Note du traducteur, quand bien même Al-Halabi dit de l'imam Al-Albani, notre cheikh, Cheikhuna, ceci n'est pas véridique ni correct, car il y a un enregistrement où Cheikh Al-Albani lui-même affirme qu'il n'avait point d'étudiants, de disciples, talamiz en Jordanie, mais seulement des gens qui viennent s'asseoir avec lui. Et nous posterons la réponse de Cheikh Al-Albani, incha'Allah ta'ala. Le troisième morceau dans ce document est un cri d'étonnement et de désaveu de la part du Cheikh Abu Omar Osama Al-Utaybi Hafidhahullah, où il demande au Khariji Takfiri Safar Al-Hawali Comment avait-il pu concilier entre son fanatisme relou dans le takfir et entre son discours, sa lettre adressée à George Bush, le père, dans laquelle il lui commande son renfort pour réaliser plus de liberté au royaume de l'Arabie Saoudite. Wallahu al-musta'an. Passons maintenant à la fatwa du Cheikh Albani rahimahullah. Cheikh Mohammed Nasruddin Albani rahimahullah fut interrogé lors d'une assise datant de la nuit du 7 de l'Hijja 1418 de l'Égypte, comme c'est intégré dans une cassette intitulée As-Sururiya Khariyya Asriya. As-Sururiya, la manière de Mohammed Zin Abidin Surur, est une manière kharijite moderne. La question portait sur ce que le dénommé Safar al-Hawali avait dit de lui, Cheikh Albani, c'est-à-dire dans ce livre de l'Hawali intitulé Zahiratul Irja fi l'alam islami. On posait la question à Cheikh Albani s'il avait vu ce livre et surtout les notes de bas de page du deuxième tome, du deuxième volume. La réponse de Cheikh Mohammed Nasruddin Albani rahimahullah était comme suit. J'avais jadis une opinion que j'avais émise un certain jour depuis plus de 30 ans, quand j'étais à l'université de Médine, l'université islamique, et que je fus interrogé lors d'une assemblée solennelle sur mon point de vue vis-à-vis de la secte dite Tablir, Jama'at Tablir. J'avais dit alors que c'était du sophisme moderne. Et maintenant, j'ai l'idée d'affirmer de ces gens qui sont sortis à l'époque actuelle et qui avaient contredit les salafs dans beaucoup de leurs méthodes, de les nommer Kharijiya moderne, Kharijiya asriya, car ceci ressemble bien à l'acte de Khuruj, d'après ce que nous lisons d'eux. Parce qu'en réalité, leurs propos tendent du côté des Khawarij, dans le takfir de celui qui contracte un péché majeur. Néanmoins, et je ne sais pas si c'est une négligence de l'oubli de leur part, ou que c'est une ruse. Ceci, je le rappelle aussi en pensant à l'ordre d'Allah. « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ » Et que la haine contre certains gens ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable. Cela est plus proche de la piété. Surat al-Ma'ida, la table servie, verset, ou bien une partie du verset numéro 8. Cheikh Albani poursuit. Je ne sais donc pas pourquoi il ne déclare pas que tous les péchés majeurs seraient des actes de mécréance majeure. Cependant, ils insistent sur certains grands péchés et ils passent sous silence d'autres. C'est pourquoi je ne vois pas qu'on dise d'eux des khawarij en général, mais dans certains de leurs aspects. Et ceci relève de la justice qui nous est ordonnée.